Ça vous fait rien? Vous n'avez pas honte? Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Et vous trouvez ça drôle vraiment? Le podcast qui parle de comédie française, où on désespère encore de trouver un jour une comédie qui nous fasse rire. Mais ce sera peut-être pour aujourd'hui. Ah, peut-être, on sait pas. Ah, évidemment, j'ai avec moi mon acolyte Flo. Bonjour Flo. Salut Tom, ça va et toi? Ça va bien. J'ai senti ça va le bien, désespoir, waouh, c'est incroyable. Ouais, bah oui, fallait être raccord avec l'émission précédente. Heureusement qu'on avait Storm avec nous, hein, qui nous a raconté des trucs drôles, contrairement au film qu'on avait regardé. Petit prince du rail. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de Ma famille t'adore déjà. Et oui. Film de Jérôme Commandeur, que j'ai vu débarquer comme ça, à l'improviste, sur Disney+. Et je me suis dit, alors pourquoi j'ai choisi ce film? J'étais surpris parce que le film date de 2016. Ouais. Je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça, il a quasiment 10 ans en fait. Ouais, non mais c'est ça, 2016, ouais, 10 ans, tu fais ok. J'en avais jamais entendu parler. si, il avait déjà passé, je crois, enfin... Ah bah oui, c'est du TF1. C'est du TF1 Core. Ah, c'est du TF1 Core, ça, y a aucun problème. Oui, oui. Ouais. Mais non, moi j'en avais pas du tout entendu parler, puis je me suis dit, je suis parti quand même d'un constat bizarre, tu vois, je me suis dit, Jérôme Commandeur, c'est quelqu'un qui a priori me fait pas trop rigoler. Ok. J'ai vu un ou deux de ses spectacles, je suis pas un grand fan. Ses chroniques là sur une radio à une époque, j'avais un pote qui m'avait dit, ouais, écoute ça, tu vas voir, c'est drôle, Jérôme Commandeur. Et puis ouais, ça m'avait pas plus inspiré que ça. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé juste la séquence vidéo de LOL qui ressort. De la branle du Poitou. Et je me suis pissé dessus en regardant ça. Et comme c'était un repas de famille, c'est devenu assez vite gênant. Voilà, évidemment. Thomas, non, effectivement, on n'a pas besoin de te changer. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Non, et je dois dire que la branle du Poitou, c'était vraiment très très drôle. Que lui-même arrive à ne pas exploser de rire en racontant ses conneries, c'est une... Ouais, parce qu'il est, il est habitué, c'est du, ouais, c'est du Jérôme Commandeur. Après, dans LOL aussi, là où souvent, Jérôme Commandeur, il écrit ses spectacles, etc. Là, c'est, sur LOL, ils ont des auteurs, mine de rien. Oui. Mais et c'est très très bien écrit, c'est très très bien mis écrit en scène en collaboration, voilà. Donc forcément. Ouais ouais. C'est pour coller à l'univers un petit peu de la personne. Comment les quatre à côté de lui aussi, tu sais, qui viennent faire danse, sont pas morts de rire. Il y en a pas un qui moufte, il y en a pas un qui rigole. Et j'étais là, je me suis dit, allez, sur ce constat-là de la branle du Poitou, on part sur un truc où tu te dis, je suis pas hyper fan de Jérôme Commandeur. Le postulat de base, la branle du Poitou, méga truc qui m'a fait rire de fou. Ouais. Viens, on va regarder son film. Ok. Oui. Ok. Je concède que la construction logique. Non, c'est absolument pas logique. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de logique dans Et vous trouvez ça drôle vraiment depuis qu'on rien, a rien déjà. Déjà, même le titre est trop long. Mais moi j'étais content quand même que tu me le proposes parce que c'est vrai que j'y pensais plus qu'il avait fait ce film là et je me suis dit Jérôme Commandeur, moi aussi au départ j'étais pas pff, et puis j'ai vu ses spectacles et je suis j'aime bien en fait ce côté décalé où il parle de personnes mais de personnes totalement lambda qui font des trucs lambda et le arriver à rendre ça drôle, moi je suis assez client, on va dire. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que j'aille le voir en vrai. Ouais. Tu vois, c'est pareil, Fabrice Eboué, j'étais pas un grand fan. Ouais. Et je suis allé voir un de ses spectacles en vrai. Et effectivement, ça a une dimension totalement différente, quoi. Alors après, moi, je pars de cette théorie de, tu regardes ça à la télé, tu te dis, je me pose, on va voir ce que ça donne. Quand tu vas au spectacle, t'es déjà dans cette optique de, je vais rire. Je vais voir un spectacle d'humour, donc je vais rire. Donc t'as peut-être facilement intérêt à rire. J'y vais quand même pour avoir une finalité. C'est oui, ça. Oui. Tu vas avoir peut-être plus facilement envie de rire quand t'es vraiment dans la salle que quand tu regardes le spectacle à la télé. Ouais, clairement. Parce qu'après, il y a aussi la connivence du public, le fait que le public t'emmène aussi vers ce truc-là. Ouais, l'interaction avec le public change beaucoup de choses, c'est sûr. Ouais. Donc peut-être que je donnerai sa chance à Jérôme Commander en live un jour. Et Ouais, pourquoi voilà. pas. Allez, Et voilà. Si tu soyons nous écoutes, fous. Jérôme, envoie des places. Il Voilà, n'y a pas de souci. sache que tu n'es pas totalement blacklisté. Une à Nantes, une à Tours. Il n'y a pas de souci. On Ouais, prend. allez, on y va. Ah, mon petit cœur. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de passer le reste de ma vie avec toi. Ta famille, si on leur annonçait. Pas pour. Bah, t'aurais pu mettre un slip. Maman, je vais chercher le défibrillateur. Allez, Jo, soyez fort, hein, soyez fort. Je suis sûr qu'on a plein de bons moments à vivre ensemble. Oh, et puis merde. T'as perdu 6 secondes par rapport à la dernière fois. Il faut que t'arrêtes avec tes canulars, hein. Il a les lèvres douces, ce con, hein. Ça, c'est... Bon, allez, j'enfile un slip, on passe à table. Alors, parlons du film Ma famille Oui. t'adore déjà. Ben oui. Alors, comme je te le disais, moi, j'en avais jamais entendu parler. Toi, tu l'avais déjà vu? Alors, je l'avais pas vu, j'avais juste vu l'extrait que TF1 avait mis, et forcément, pour moi, je trouve qu'ils ont mis un des extraits les plus forts, à savoir le moment au péage. Ouais. Ben, pour moi, c'est Ok. ben, c'est le moment où la passe d'armes, moi, ça m'a fait mourir de rire. Voilà, déjà. Donc, un petit Ok. indice. Alors, c'est son premier film Oui. à Jérôme Commander, sa première réalisation. Il a co-réalisé avec Alain Corneau, et Ouais. puis il a réalisé Irréductible en 2022 et T'as pas Ouais. changé en 2025. Alors, je ne suis pas un compléteur de Jérôme Commander parce que je n'ai pas vu les deux Bah, autres. sachant que t'as pas changé, je crois qu'il n'est pas sorti, il me semble. Ah oui, C'est pour 2025, oui, mais ça. effectivement, Ouais. c'est pour ça. Je ne l'ai J'ai pas bêtement vu. chopé Oui, le truc. c'est Ouais. logique. Mais voilà, c'est logique. Bah, on est quand même à la moitié de l'année quand même, hein, Oui, donc c'est au vrai. moment, Après, il aurait pu sortir. Irréductible rentrerait dans le Christian Clavier univers. Ah! Ah, il y a Christian Clavier dedans. Ah, intéressant. Forcément, En nous. CGTiste révolutionnaire, je crois. Donc, il y a La moyen de vache! Oh fonctionnaire CGTiste révolutionnaire. putain! Ok. Il me semble, On hein, se le que garde de côté. c'est dans ce film-là. Oui. On se le garde de Voilà. côté. On va pas faire de Jérôme de Commandeur de suite. Voilà. On va attendre un petit peu. Exactement. Il est aussi au scénario et dialogue, Jérôme Commander, sur le film. Ça se sent. Oui. Et film produit par Danny Boone notamment. Jérôme Seydoux aussi, mais surtout voilà Danny Boone, qui au départ devait jouer dans le film et puis qui a eu des, enfin un calendrier trop chargé et Il devait donc jouer le bah non, rôle je du vais pas pouvoir héros. jouer Bon, dans. bof. Ouais. Je vais pas pouvoir jouer dans ton film, mais je le produis. Voilà. La date de sortie, c'est important, hein, parce que si Jess nous Eh ben oui. écoute, voilà, Et voilà, elle en pourra le garder, France. elle pourra le garder en mémoire, voilà. Le 9 novembre 2016, Tout à fait. pour un budget de 8 millions d'euros. C'est vrai que tourner à l'île de Ré, ça coûte Ça, cher. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Les locs à l'île de Ah bah Ré, c'est ça les coûte locs, cher, hein. surtout Et au mois puis d'août. bon. Voilà. Et puis quand tu finis à Marrakech aussi, hein, Oui, voilà, on en ouais. parlera tout à l'heure. Et bah, pour un box-office, alors j'ai chopé le box-office monde, 4 millions de dollars Aïe, et aïe, aïe, aïe, 562 000 entrées en France. aïe. Donc en France, c'est très mitigé. En général, on dit qu'en dessous d'un million, C'est pas fou, voilà, ouais. c'est pas foufou. Et bon, 4 millions de dollars monde, Alors, c'est ridicule. pour relativiser, c'est pas fou quand t'as le casting que t'as en face. Il y a des comédies qui sont un petit peu plus confidentielles, qui, quand elles font 500 000, c'est pas si déconnant. Là, au niveau du casting, on a quand même du Bah lourd. parlons de la distribution, ouais. Bah Ben oui. voilà. Alors Arthur Dupont, sa tête me parlait, mais Ouais, moi aussi. je le remettais pas du tout. Déborah François, pareil. Il me semblait l'avoir vue une fois ou deux, mais sans plus. Et Ouais. puis par contre derrière Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle, Jérôme Commander évidemment, Valérie Carcenti, Sabine Azéma, Éric Berger. Enfin voilà, il y Ouais, a, Catherine Benguigui, enfin voilà, y on a, ouais, a. y a ce qu'il faut quoi. Ouais, on a des noms connus. Et on notera la présence de Alicia Endemann, que je ne connaissais pas, mais qui joue Oui. Anneke, la fille au père. On en parlera de son personnage parce que c'est un petit peu problématique dans l'écriture quand même. Elle est légèrement sexualisée. À savoir qu'on est en 2016, Jérôme. Donc calme-toi. Oui. Voilà. Hein, déjà à l'époque, on commençait à taper sur le. Ouais. Sur mais je pense que au départ, ce personnage-là, ça devait être ce personnage-là qui devait être joué par Danny Boone, je pense. Ah le. Ça aurait apporté un côté un côté un peu bon. Pourquoi tout pas fait, tout à fait possible. Alors, j'ai cherché des anecdotes sur ce film, j'en ai pas vraiment trouvé, à part une déclaration de Jérôme Commandeur qui dit, voilà, l'île de Ré fait partie de la galerie des personnages, il y a des stéréotypes, les pulls noués autour des épaules, les bermudas pastels, les enfants avec des prénoms de fruits, les embouteillages de vélo, les sexagénaires. Voilà. Ok. Et c'est en vrai, comme ça peut-on lui donner tort? Alors non, effectivement, c'est même ouais. je pense que mais on va y revenir effectivement dans la conscience collective. Toutes les caricatures et les poncifs de l'île de Ré en elle-même et des vacanciers à l'île de Ré tout y est quoi. Alors au-delà des vacanciers, c'est plus des néo-arrivants, on va dire ça comme ça, mais plus des Parisiens qui se sont dit Il y a une dizaine d'années, tiens, je vais m'acheter ma résidence principale va être à l'île de Ré et puis qui se prend pour vraiment un habitant de l'île de Ré qui est là entre guillemets, on va dire un habitant de souche quoi. Tu fais bon. Tu peux même pousser plus loin qu'il y a une dizaine d'années. Hein. Tu peux oui, pousser bien jusqu'en. Sûr. Alors il y a un schisme dans le film sur la date d'édification du pont. Oui, bah c'est ça. Hein. Est-ce que c'est 86, 87, 88? En tout cas, dans cette période-là, à partir du moment où il y a eu le pont, ça a été le déferlement, notamment des Parisiens sur les achats de résidences secondaires en veux-tu en voilà. Et moi, je suis allé de temps en temps à l'île de Ré et des fois hors période de vacances. Pardon, monsieur. Oui. Bah, voilà, on se fait plaisir. Et un petit pull noué sur les épaules ou quoi? Bah, et un Bermuda pastel et des chaussures bateau. Mais bien sûr, monsieur, mais évidemment. Tout à fait. Et c'est quand même assez triste de voir qu'il y a une maison sur deux ou deux maisons sur trois, effectivement, qui, hors période de fréquentation, sont volets fermés et sont vides, quoi. C'est vraiment dommage pour le dynamisme de cet endroit. Bah, enfin, c'est clair. Nous ne sommes pas là pour parler habitat. Mais non. On n'est pas un podcast sur Stéphane Plaza. Non, exactement. Vous pourrez d'ailleurs vous rendre à la. Nous ne ferons pas son film. Voilà. À l'agence Guy Hockey de la flotte en Ré. Oui, voilà. Ils ont certainement de très bonnes occasions à faire. on fera pas le film de Stéphane Plaza. Non, merci. Non, voilà. Non, ça ira. On aime bien rigoler, on aime bien s'infliger des trucs. Mais quand même là non. Donc on a le pitch du film rapidement Julien, un jeune créateur de start-up qui crée des applis qui pour le moment marche pas très bien. C'est la tech française, mais bon, quoi. Voilà, mais quand tu vois le pitch des applis, tu te dis effectivement aussi qu'il y a peut-être pas beaucoup de débouchés. Enfin bref. Et qui demande sa copine Eva en mariage, pour qu'ils avancent dans leur projet de vie. Faut qu'il y ait la rencontre des parents, bien sûr. Et que lui il rencontre aussi la famille d'Eva parce que lui ne l'a jamais vue. Lui ne l'a jamais vue et c'est voilà. Ouais. Et que le contraire est vrai, Eva, elle a vu les parents de Julien plusieurs fois, ça se passe plutôt bien, ouais. Mais que le contraire n'est pas vrai. Voilà. Et on sait pas trop pourquoi, et on va découvrir pourquoi. Et ils ont quoi de mieux qu'un petit week-end tout en famille à l'île de Ré, pour apprendre à connaître tout ce beau monde, et voilà, des gens aussi sympathiques et fréquentables les uns que les autres. Tout à fait. Voilà le pitch. Avec le nom de famille de ah putain, alors Eva, voilà, Périnée. Voilà, Périnée, effectivement, et comme ça, comme ils sont 5 ou 6 dans le film à porter ce nom de famille, on n'arrête évidemment pas de le répéter, puisqu'il y a aussi une course maritime où Eva fait croire que Julien est un skipper de renommée émérite. Mondiale, ouais, émérite, ouais. En tout cas, en fait, non. Donc, on joue sur les apparences, puisque il y a ce... y a cette différence entre, bah oui, c'est Julien, c'est auto-entrepreneur, mais qui vient d'une famille, on va dire, de la classe moyenne. Oui, c'est ça, ouais. Et bah, Eva, elle, c'est plutôt les, un petit peu les... Bah, les bourgeois, bourgeois parisiens. C'est bourgeois parisien. Ouais, ouais. Oui, clairement. Ouais, ouais, totalement. Et bah, le film démarre, en fait, où Julien veut lui acheter une bague de fiançailles, en fait. Hein, ni plus ni moins. Et bah, pour moi, ça démarre déjà avec un... ça démarre déjà avec un problème, on est, quoi. C'est... On est sur les trois premières minutes où tu fais « Waouh, ça va vite, quand même, là !» Et puis moi, facepalm, hein, direct, où je suis là, en train de me dire, mais à quel moment tu vas dans une boulangerie, n'importe quoi, dans une bijouterie... pour acheter une bague, une boulangerie, n'importe pour quoi. Acheter une baguette mais à quel moment tu vas dans une bijouterie pour acheter une bague à 5000 boules quand tu sais que t'as pas une thune sur ton compte, quoi? C'est quoi le projet? Où tu te dis, j'espère que la carte va passer, alors que tu sais pertinemment que ouais, tu n'as pas... Ouais, je pense que c'était juste pour nous montrer qu'effectivement, il va y avoir ce truc de différence entre, bah oui, lui avec des origines un petit peu plus modestes, qui n'a pas les moyens d'offrir la bague de ses rêves... à Eva, puisque ben c'est même dit dans le film, c'est quoi cette bague? Non, c'est juste une bague comme ça pour rien. Oui. Donc effectivement, il commence dans une grande boutique de luxe, ensuite il va dans une bijouterie normale, puis bon ben la carte finit au manège à bijoux. Et si il se crée un compte, il peut avoir 20% sur les produits laitiers. Donc déjà, moi, c'est du typique Jérôme Commandeur, juste ce truc à la con de « Ah mais non, mais si vous savez, si vous créez un compte, vous allez avoir 20%, après t'entends les appels micro, les petits Jackie et Michel sont appelés, tu ouais. Fais, c'est bon, on est chez Jérôme ouais. Commandeur. Ouais. » Jackie et Michel sont attendus au rayon charcuterie. Non, en mais, vrai, wow, moi, ça m'a surpris, j'ai fait « Ok, d'accord, ok, j'ai bien aimé. » J'avoue, j'ai bien aimé. Moi, j'étais consterné. J'ai bien aimé, je me suis dit, mais quel... putain, tu rigoles mais à ça quand même, besoin. Connard. Ouais. Ouais. Je me suis insulté un peu après. Ah oui, ah quand même, t'as eu ce recul sur toi. J'ai eu cette lucidité, tu vois, une expérience hors du corps en disant, ah ouais, tu rigoles à ça toi, d'accord, ok. Bon, ben voilà, tellement surprenant que bon. En fait, moi, j'ai l'impression qu'au départ... Je reviendrai après sur la partie la plus importante quand ils sont à l'île de Ré, mais sur la partie introduction, présentation, mm-hmm. Notamment des deux personnages principaux, ouais. il t'en envoie aussi un maximum au départ aussi, et t'en prends plein les mirettes. Les 15 premières minutes, tu respires pas. Ouais. L'autre avec elle bosse dans un magazine là qui s'appelle La Miche Caline. Ouais. Bon, alors quand tu sais qu'il existe une chaîne de La Micaline, une chaîne de restauration, ouais, qui s'appelle La Miche Caline. OK, vous, et que c'est un magazine les gars vendu dans les boulangeries gratuitement. Enfin oui, pas vendu, donc donné gratuitement dans les boulangeries, tu fais ouais, OK. Et puis il y a cette scène aussi tout se termine entre guillemets avec cette première partie, tout du moins, avec la demande en mariage. Bah, il la demande, ouais. La demande en mariage en pleine rue avec une chorégraphie et un mec qui est derrière. Qui dit, bouge-toi, connard. Tu vas la bouger. Deux secondes, je fais une demande en mariage. Mec, vraiment. C'est complètement con. Mais oui, et puis je dis, le mec, il fait sa demande en mariage, il a 20 potes qui sont autour de lui, et il n'y en a pas un qui bouge quand il vient se faire maraver la gueule. Quoi. Mais oui, c'est ça. Ils sont tous « Oh là, oh non bah, !» Il y a littéralement ses parents aussi. Tu fais « Bah, oui, allez-y mais... !» Le défendre, en fait. Tu fais « Bon, et après tout, pourquoi pas ?» Oui, non mais... Parce que ce sont des personnages qu'on ne reverra pas. Donc, hop, hormis à la fin du film. On est dans le cliché parisien du connard qui veut pas attendre. Alors, poussons les potards, allons-y, faisons-nous plaisir, quoi. C'est ça, allons-y. Allons-y, gaiement même, tu vois. Ouais, non, voilà. J'étais là, bon, allez, 10 minutes de film, on en est là. Ok, d'accord. Ouais. Et puis, effectivement, après, ça part sur le, sur l'île de Ré. Alors, à dire quand même qu'il guérit très, très vite de la lèvre, hein, puisque oui. quand ils arrivent à la gare de La Rochelle, il a plus de problème d'élocution. Oui, c'est ça. Alors que le mec, il a la moitié de la mâchoire cassée. Tu fais, bah là, oui. non, ça va mieux. Et que, ouais, littéralement, voilà, c'est deux jours après. Mais bon, oui. Voilà. passons sur ce côté-là. Mais effectivement, et t'arrives, et là, on enquille les clichés, et on va pas arrêter quasiment jusqu'à la fin du film, quoi. Hein. C'est, on pourrait se dire, ils les enquillent au moment où ils arrivent à l'île de Ré, et puis voilà, on fait avec. Mais non, c'est distillé comme ça, de manière après, c'est, tranquille. C'est effectivement, on est sur, encore une fois, hein, ça se voit que Jérôme Commandeur a été au dialogue, qu'il a été à la réale et tout, parce que c'est ça, c'est lui, il prend c'est sa patte, tous, ouais. tous les clichés, et il les prend, il les met bien visibles, et il les grossit de plus en plus, donc... Moi, ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué. Je sais que c'est son écriture. Je sais que donc j'étais oui, je suis en terrain connu. Ça me va. Effectivement, toi, je pense que ça a dû être peut-être un petit peu plus compliqué si tu n'as trouvé que drôle la branle du Poitou. Pour le moment, oui. Mais voilà. Donc ouais. Alors, est-ce que aussi c'est pas un problème de ne pas être, c'est son premier film, tu vois, et de pas être un peu pris par la main, de pas être un petit peu amené dans son univers, tu vois. De ce que je comprends et de ce que tu dis, il faut être un petit peu habitué au bonhomme en fait pour comprendre ce qu'il a voulu dire et faire dans le comme je te disais, c'est quand même film, c'est quand même assez particulier, tu le vois, il a la mine, il est renfermé, tout ça, l'autre bonjour machin. Mais bonjour, il joue le connard, il le fait très bien. Il joue bien le connard, c'est vrai qu'il joue bien le connard. Et derrière ça part, ils sont dans le coffre et puis t'as cet échange au péage où il insulte la dame qui travaille là-bas, mais la guichetière, elle lui remet dans la gueule aussi. Il y a sa femme qui dit non, on y va, puisque sa femme qui conduit, mais lui il a une double pédale, donc en plus de ça, c'est... Mais à quel moment t'as un double pédalier dans une bagnole, quoi? Les femmes ne savent pas conduire, voilà, on est encore sur ce cliché là, et on voit les flics, machin. Ouais. Donc j'avoue cet échange, j'ai fait waouh là là, les punchlines que ça s'envoie. J'étais moins à scène de péage, tu vois, je préfère celle du parrain, tu vois, elle est différente. Les échanges sont pas les mêmes. Les échanges sont pas les mêmes. La finalité non plus. Ah non. Non, la finalité et la construction du film derrière n'est pas la même non plus. Non plus. Peut-être dans Ma famille t'adore déjà deux, hein, on sait pas. Oui, on verra. Parce qu'en fait, il avait une sœur cachée. Oh putain. Remarque, ça fait 10 ans, s'il avait dû le faire, peut-être qu'il l'aurait fait. Oh, je pense, oui. Je pense. Ouais. Vu comment il a marché, ouais, je pense qu'ils sont partis sur d'autres projets, évidemment. Ah, il a attendu quasiment 10 piges avant de refaire un deuxième film. Hein, donc, après, peut-être que c'est vrai qu'Irréductible, c'est pareil, on n'a pas beaucoup entendu parler, je ne sais pas ce que ça a fait. Mais voilà, après, il n'y a que 3 ans avec le troisième film. Donc voilà, il y a un peu moins d'attente. Après, à cette époque-là, Jérôme Commandeur, c'est pas qu'il commençait tout juste à percer. C'est que, pour moi, si, on commençait tout juste à en entendre parler. Qu'en 2022, 2025, ouais, là, il est quand même assez établi dans le monde de l'humour français. Tout à fait. On est sur quelqu'un qu'on connaît déjà un petit peu plus. Donc, il y a peut-être ce côté-là aussi qui rassure les boîtes de prod françaises. Oui, et puis le fait qu'il soit connu aussi sur son nom, il attirera peut-être plus de monde qu'en 2016, effectivement. Mm-hmm. Bah, ensuite, t'es sur l'île de Ré, et puis c'est vrai qu'effectivement, moi j'ai trouvé que... Une scène, un cliché, quoi, quasiment. Hein, tu les... Une scène, un cliché, ouais. Tu les empiles, voilà. Ouais, Thierry Lhermitte qui fait semblant d'avoir des crises cardiaques. Non mais, ce running gag de merde... Alors, ce running gag de merde, j'avoue que quand il commence, il dit « Merde, oh, il sait pas », il commence à lui faire du bouche à bouche. Thierry Lhermitte se relève et lui dit « Putain, il a les lèvres douces, ce con. » Wow. J'ai fait, ouais, ok, d'accord. D'accord, allez. Si, en vrai, un peu. Un peu, parce que j'ai fait, putain. Et tu sais, il est un peu... Enfin, après, c'est Thierry Lhermitte, donc il est pas dégueu niveau acting. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu. Mais de le refaire... De le refaire 800 fois derrière, non, ouais. Je suis pas sûr de l'intérêt. Ouais, voilà, je veux bien qu'il y ait deux types de comiques, le comique de répétition et le comique de répétition, mais quand même. Ouais, et puis dans comique de répétition, il y a comique dedans, c'est... Ouais. Voilà. Il y a ça aussi. Voilà. Oui, il faut que ce soit un peu drôle, quoi. Faut que ce soit un peu drôle, et là où ça ne l'est pas, c'est que ça traite aussi d'un truc où c'est il a déjà fait une crise cardiaque, il peut en refaire une. Ah, c'est marrant, quelqu'un qui fait une crise cardiaque. Ouais. D'accord, ok. Peut-être j'ai pas les codes, hein. mais enfin, laissez-moi, voilà. Je vais vous ralentir. Ouais. Ça, Sabine Azéma et son alcoolisme mondain. Non, le personnage de Sabine Azéma, j'ai dit, mais à quoi à part s'incruster, être là tout le temps et juste boire, tu ne sers à rien en fait. Tu ne sers à rien, Sabine, arrête. Ou alors, voilà, je sais pas, elle est peut-être pote avec Jérôme Commandeur dans la vie, donc il est dit, tiens, tu vas venir dans le film, tu vas faire taper l'incruste et tout. Ouais, Ouais, Jérôme Commandeur, quand j'ai vu produit par Danny Boone, ça m'a pas étonné, les deux. Enfin, c'est Danny Boone qui a commencé à produire Commandeur sur ses premiers spectacles. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, après, il y a eu Arthur qui est arrivé, qui lui a proposé des trucs aussi, machin, donc... Oui, Commandeur, il a eu des petits caméos, des petits rôles aussi dans certains films de Danny Boone sur les ch'tis, des trucs comme ça, oui. Donc, effectivement, ils sont potes, ils se connaissent, quoi, mais... Ah, ouais, Sabine Azéma, Thierry Lhermitte, tu fais, ok... Après, c'est peut-être Thierry Lhermitte qui a dit « Bon, vas-y, fais venir Sabine, machin. » Je sais pas, peut-être sur ces noms-là, on sait pas. Mais oui, c'est vrai qu'on est sur une scène, un cliché. Et puis c'est « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un petit peu faire monter le climax, tout ça ?» Ah bah tiens, on va dire qu'il y a une course de bateau. Mm-hmm. D'accord. Et moi, le film dure pas longtemps. Hein. Une heure et demie. Ouais, voilà, à peine une heure et demie. Cette course de bateau, ils en parlent quasiment depuis le début. Ça te fait monter la sauce, mais quasiment tout le temps. Et t'as l'impression en fait qu'elle n'arrive jamais. Et tu sais, de toute façon, en plus, c'est déjà posé au départ. Tu sais que ça va être catastrophique parce que l'autre, il est pas du tout. Ouais, il est pas du tout marin, etc. Voilà, tu sais que ça va partir en couille complet. Bon, alors, heureusement, ils ont changé le nom du bateau. Hein, de First, ça passe en Fist. Parce que c'était marrant. Drôle, ça aussi. Hein. Et puis, comme tu l'as pas remarqué, quand il met le pied dessus et qu'il arrache la lettre, effectivement... Il faut qu'il y ait une scène où Thierry Lhermitte 15 le verbalise. Plus tard, voilà, il faut le verbaliser, hein, au cas où... On n'avait pas vu, merde, putain. Son pied rip, tu vois le R qui part, tu vois marqué fist. Ah merde, putain, merde, ça fait de la merde. Oui, ça va, on a compris. Ok, c'est bon, on l'a, pas de problème. Voilà, à tout ça, tu rajoutes... une scène sur deux, l'hypersexualisation de la jeune fille au père. Oui. Si c'est pas dans les angles de caméra, c'est dans les t-shirts, avec les messages. Et tout. Non, et puis après, voilà, on est aussi sur une famille totalement dysfonctionnelle qui n'a pas appris à discuter et à communiquer et qui est juste sur qui vit et qui continue d'être pas soudés parce qu'ils sont pas soudés mais qui continue de se voir juste sur le truc de l'entreprise que Thierry Lhermitte a monté qui était une entreprise de fleurs quoi. Et voilà qu'il a transmis à son fils et en fait ils se font la gueule sur le biz, tout ça parce que l'autre, alors il a une idée de merde, d'accord, mais enfin il a voulu faire évoluer son business en disant que les fleurs artificielles c'était l'avenir. Le père, il a pas du tout accepté, c'est à cause de ça qu'il a fait la crise cardiaque d'ailleurs. Oui, ah oui oui, c'est vrai en plus. Ouais. Non mais wow. Tu fais une crise cardiaque parce que ton fils te dit je vais changer ton bise alors que tu lui as légué. Oui. Bah. Il l'a racheté, peu importe. Ouais. Mais, enfin voilà. T'es plus aux affaires. Tiens, lâche le truc à un moment quoi. C'est. Avec une assistante qui est pire qu'au bord de la dépression. Je me demande pourquoi on la voit deux fois, Catherine Benguigui, parce que je me dis dès la première fois, on va la retrouver. On a compris. C'est pas. Oui, on a compris. On a compris qu'elle allait pas bien. Ah oui. Mais je pense que le fait de se dire, ah, on va faire deux fois le gag de, elle appuie sur le truc et puis l'autre, non mais ça n'a pas marché, hein. Ça n'a pas marché là. Donc vous me parlez encore. Oh. La première fois, pourquoi pas à la limite. La deuxième fois, tu fais, bah peut-être pas obligé. On a compris. On a compris, c'est bon. Ben oui, mais tu vois, c'est le problème que je trouve à ce film. Dans son écriture, c'est... t'es obligé de répéter des trucs plusieurs fois, parce qu'à un moment, ben, si tu le fais pas, ton film, il fait 1h10, et c'est peut-être un peu trop court, quoi. Après, c'est ce qu'on se dit, est-ce que peut-être c'est l'effet premier film aussi, ou ben... Après, il était pas tout seul à la réal, mais il a essayé de faire le truc, et c'est toujours plus compliqué de passer d'un truc à l'autre, quoi. Il n'était pas tout seul à la réelle, il n'était pas tout seul au scénario et au dialogue, pourtant, tu vois, et à un moment, tu vois, dans les scénarios de dialogue, ils sont quatre, tu vois, à bosser. Et oui, mais est-ce que pour autant, dans les scénarios, dans les dialogues, t'auras beau être quatre, t'auras beau être cinq, machin, regarde, il y a des films où ils sont trois ou quatre, et tu fais, bah, c'est nul aussi. Enfin, tous les films qu'on a fait. Non, mais je suis d'accord. Regarde, Sexy Génère, ils étaient trois ou quatre. Oui. Oui. Mais qu'il n'y en ait pas un qui lui dise, attends, ça, on l'a déjà fait 20 minutes plus tôt dans le film. C'est bon, le message est passé, on a compris, quoi. Mais ça se trouve, c'est peut-être même pas Jérôme Commandeur hein, qui... C'est peut-être quelqu'un qui a dit, ah ouais, ce serait marrant qu'on le refasse une deuxième fois. Comme ça, ça montre que vraiment, bah là, l'entreprise, il n'y a plus rien dedans, etc. On a compris que c'était pour faire un petit peu avancer cet arc-là. Mais pour autant, tu l'enlèves. Ouais, bah, tu es à 1h20 de film au lieu d'une heure et demie. Et c'est pas grave. Alors effectivement, c'est... Et puis non, même, je dirais effectivement, non, t'as même pas besoin d'expliquer. C'est effectivement, il a voulu rajouter des fleurs. Tu fais comprendre comme ça, même sans un coup de fil, que ben c'est en train de péricliter l'affaire. Et puis c'est basta. T'as pas besoin de l'expliquer, de le surexpliquer, et de faire un moment où tu la vois, elle est... Non, faut laisser rentrer personne, et puis après... on a laissé rentrer personne. Même pas les clients. Lol. Non mais... À quel moment dans la vraie vie hein, ça se passe comme ça, la personne elle est pas dupe, même le plus gros des connards, il sait très bien que tu fais pas rentrer les flics ou les huissiers de justice, mais tu fais rentrer les clients. Il y a aucun monde où ça peut se passer. Alors je veux bien que ça rajoute un truc marrant, ça ressort comique. Oui, c'est un ressort comique. Mais un ressort comique, c'est quand c'est marrant aussi, tu vois. Oui, c'est quand c'est drôle, oui. C'est là, même moi qui, pour autant, je dis, ah, ok, pourquoi pas, le début, ouais, j'aime bien, machin. Je dis, bah, là, non, je suis pas... Et puis pareil, ce côté un peu ambigu avec la fille au père, et puis avec la belle-sœur, la femme de Jérôme Commandeur. Pourquoi c'est long, ça, en fait. Ce côté ambigu où elle saute dans la piscine, machin, l'autre elle est à poil, elle lui a fait peur, machin, et après la fille au père, elle est « Ah bah dis donc, ce serait bien de m'acheter ça, parce que sinon je dis à votre mari que vous le trompez. » Oui, et tu apportes quoi comme preuve à part dire « Je l'ai vu sauter de la piscine ». Tu n'apportes rien comme preuve, pour au final finir avec le mec à la moustache là, avec qui... ouais, c'est... Je sais pas... Où tu apprends que les veufs, c'est des gros queutards, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Ok, pourquoi pas. Eh ben, pourquoi pas, il est veuf, donc allez, très très bien. Oh là là là là, ouais, c'est... Bah, pour moi, c'était une épreuve. C'est... Ah ouais tu les sens, l'heure et demie, là, les 90 minutes, là, tu les sentais passer, hein, quand même, hein. C'est... Ah, moi j'ai pas forcément vu le temps passer. Après j'ai pas non plus trouvé ce film surgénial, etc. Je viens de me remémorer ma note sur Letterboxd, c'est 2,5, donc on est sur une moyenne, quoi. Parce que effectivement il y a des moments où j'ai trouvé ça assez marrant et d'autres pas forcément, quoi. Parce que c'est trop, c'est... Oui, c'est une comédie, mais vous savez qu'une comédie, c'est pas censé tout le temps, toutes les 5 secondes apporter un truc. C'est pas parce que certains le font avec brio et que ça fonctionne, que vous êtes tous obligés de partir sur ce même principe-là. C'est pas forcément bien. Ah, et puis ça se termine, il quitte l'île de Ré, Parce qu'il y a trop de Parisiens, alors qu'eux, ils devaient l'être, hein, à la base. Oui, ils devaient l'être, il y a une trentaine d'années, sûrement. Et on se dirige vers le nouvel Eldorado des retraités, qui ont un peu de pognon. Marrakech. Pour, en fait, en une scène et trois dialogues, te faire sentir que c'est reparti comme en 40, quoi. C'est reparti comme en 40, mais là, au moins, les deux familles sont réunies. Les parents se parlent, etc. Oui, tout à fait. Il y a toujours Sabine Azéma qui se déclare comme. La native de l'étape. Non. Tu n'étais déjà pas la native de l'étape à l'île de Ré. Non, c'est pas. Et puis, ouais, Sabine Azéma, son rôle. J'ai connu des stars, machin. On s'en fout. Le dialogue de l'ermite à l'île de Ré, c'était les Parisiens, c'est tous des gros cons quand ils débarquent, sur l'île, voilà, machin. Avec le truc au café là où il fait partir tout le monde. Ah, quelle gênance. Enfin bref. Voilà, là. Et il te ressort en fait exactement la même chose à Marrakech en disant en fait les Rétais, c'est tous des gros connards. Ouais, c'est ça. Ok, donc vous n'avez pas voulu céder à la facilité d'écriture. Ok, d'accord, on a compris. Très bien, pas de problème. On est dans le subtil, on adore. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais évidemment, comme c'est une comédie qui doit bien finir, effectivement, ça se rabiboche et puis tout va bien, quoi. Tout va bien. Il y a un peu de mieux dans le couple Jérôme Commandeur, Valérie Carcenti. Oui. Voilà. Ils vont se marier ou ils sont mariés. Voilà. Très bien. Ouais. Cool. Voilà. On a hâte de voir la suite. À voir. Non. À voir. Ça dépend. Juste un spin-off sur la guichetière du péage, pourquoi pas. Ouais. Ah oui. Une heure et demie d'accueil de gens. Une origin story sur la guichetière du péage. Allez, ça s'appellerait l'Odyssée. Je suis prêt à payer pour voir ça. parle pas de malheur, ils vont sortir Cocorico 2 quand même. C'est vrai, et Chasse gardée 2 aussi. Ah oui. Oui, Cocorico 2, là, ils sont c'est en tournage, je crois. Ouais. Et on n'est pas invité, putain. Putain, les gars, avec la pub qu'on vous a fait. C'est fou, ça. Ouais. Même Laurent Dutch nous a envoyé un message, c'est totalement faux. Mm-hmm. Ouais. Ceci n'est pas vrai. Flo. Oui. Ma famille t'adore déjà. Est-ce c'est que vrai, tu as mais je ne sais pas drôle. C'est vrai, mais bientôt tu rencontreras ma famille de cœur, les baby. Ah oui. Ma famille t'adore déjà. Est-ce que tu as trouvé ça drôle vraiment? Eh bien, oui et non. Oui et non, parce que effectivement, c'est moi, je suis assez fan de la patte Jérôme Commandeur. Ce côté toujours décalé avec des trucs, mais tout à fait lambda. Qu'on retrouve dedans. Donc ça, moi, ça m'a. Il y a certains trucs qui m'ont cueilli où j'ai même sur de la surprise. J'ai été. Ah, j'aime bien. Et en fait, plus le film avance et moins t'es dedans parce que plus le film avance. Là, au moins, on peut y voir une progression. Hein, c'est que plus le film avance et plus le truc va débiter des trucs à fond. Et tu fais, ouais, mais en fait, non, c'est pas parce que je me suis mouillé la nuque au début et que c'était cool que vas-y, continue comme ça. Ça devient trop, on est sur du trop plein, et y a un moment donné où ça sature et où tu te dis, ouais, non, c'est bon, on a compris les ressorts, on a compris les trucs. Je pense que la prochaine fois, fais un court ou un moyen métrage, et puis on sera déjà très très bien. Mais t'as pas besoin d'en faire tout un truc comme ça, avec plein d'arcs qui se croisent, s'entrecroisent, et qui font que ça ne devient plus marrant, puisqu'il y a trop de petits trucs qui font que on passe du côté... Ouais, tous les trucs, je pense qu'individuellement, sur des petits sketchs, des petits trucs comme ça, pourquoi pas, là... Non, c'est... Allez, on a pris un fourre-tout, hop, vas-y, on essaye de tout rentrer. Et c'est ça qui me fait dire le non. C'est le défaut, en fait, d'un premier film, c'est que tu es très enthousiaste dans ce que tu veux faire. T'es trop généreux. Tu lui mets Ouais. Tu y mets probablement beaucoup de toi, beaucoup de cœur, mais tu es trop généreux effectivement, ouais, et tu veux absolument mettre tout ce que tu as envie, et des fois c'est beaucoup trop, ça dégueule de partout, le mieux est l'ennemi du bien, quoi, et forcément à un moment tu en fais trop, t'en as trop mis, et la redondance dont on a parlé sur pas mal de scènes, où tu te rends pas compte non plus de certaines choses qui peuvent être que tu peux penser drôles mais qui sont problématiques. Voilà, on reparle de la sexualisation à outrance de la jeune fille au père, notamment ce genre de choses. Voilà, c'est effectivement le défaut des premiers films. C'est surtout dans un genre aussi convenu que la comédie. Où on va se dire putain il faut que je mette 15 gags à la seconde parce que s'il y en a un qui passe ça va faire rire et donc j'aurais réussi mon pari. Tu peux juste faire un truc où c'est du subtil, des trucs comme ça, et puis tous les trucs passent, c'est validé à chaque fois, et du coup tu dis oui là c'est drôle, ok. Donc effectivement c'est au début oui, et puis au fur et à mesure tu fais ah oui, on est tout le temps sur ce truc des trois premières minutes où il passe de quartier à bijouterie normale à manège à bijoux et machin. Et ok, d'accord. Et toi, Tom, as-tu trouvé ça drôle, vraiment? Sans surprise, non, j'ai pas trouvé ça drôle. Ça m'a merde, pas... Merde, putain, j'entends ouais, des nuits. Ça m'a pas embarqué. Je reconnais, on vient de le dire, je reconnais le cœur et la générosité que Commander il a mis dans cette première réale. Et ça, je pense que tu peux pas lui reprocher, hein, effectivement, d'avoir voulu faire bien, mais je pense qu'il a voulu trop en faire, qu'il a voulu trop mettre de choses, et que effectivement, ça a débordé au-delà de ce qu'il était possible d'ingérer en fait, et c'est dommage. Ensuite, sur la partie scénario, effectivement, c'est convenu. Voilà, on part sur un pic, les malentendus s'accumulent jusqu'au moment où ça pète, retombe très bas, et puis on trouve quand même un petit quelque chose juste à la fin pour réembrayer sur la famille, sur l'amour éternel, etc. Voilà, on sait comment ça se passe, voilà. Si on se reporte à l'épisode 1 de Drôle Vraiment, sur un village presque parfait, c'était exactement la même construction, quoi, hein, voilà. Oui, et on le sait, dans les comédies, c'est très souvent comme ça. C'est souvent comme ça, ça, on le sait. Ouais, tout à fait. Mais donc non, ça m'a pas transporté. Je sais pas si j'irai spontanément sur ces deux autres réalisations. Ouais. Peut-être que j'attendrai que tu proposes dans l'émission pour les regarder. Tu vois, parce que comme ça, de prime abord, c'est pas. J'irai peut-être pas. Ouais, tu vas pas directement. Voilà. Mais j'avais vraiment cette curiosité, ouais, de découvrir ce que Commander pouvait proposer en tant que réal et acteur aussi de comédie pour voir un petit peu si je retrouvais ce qui m'avait fait rire dans La Branle du Poitou. Et voilà. Et bon, malheureusement, il y a là où La Branle du Poitou, c'est pas de danse folklorique à l'île de Ré. C'est condensé en 3 minutes. Bien sûr. Donc, forcément, voilà. C'est oui, tu peux. Tu peux mettre tous les potards à plus 20 là-dessus, effectivement. Bah, c'est ça. Voilà, sur un long métrage, c'est plus compliqué, on est d'accord. Et bien voilà, on a fait le tour. Et oui. Par quoi on poursuit? Le prochain rendez-vous, le prochain film? Le prochain film? Le prochain film. Tu as réfléchi. Oui, j'y ai réfléchi et je sais ce que je vais proposer. Et nous irons du côté industrie musical avec Fatal. Ouais. Ok. une ou plusieurs raisons particulières? Je ne savais pas quel avec, film. Avec Michael Youn, oui. De Michael Youn. De Michael Youn. Oui, ouais, tout à ouais, fait. Ouais. Je savais pas trop quoi choisir. Et celui-là, ça fait assez longtemps que je l'ai pas vu, mine de rien. Et je veux voir un petit peu comment il a vieilli. Certains films. Je veux voir comment il a vieilli. Ouais. Et je veux voir si le souvenir que j'en ai est toujours le même que celui de l'époque. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, ce sera exactement pareil pour moi parce que je l'ai vu au cinéma lors de sa sortie. Mais moi aussi. Et je l'ai pas revu depuis. Non, moi je l'ai revu, il est dans ma DVD. Ah, tu l'as revu? Oui, d'accord. Oui. Ouais. Et après, c'est pas un film que je me fais tous les deux mois non plus. Non, faut pas déconner quand même. Non, mais effectivement, ouais, ça va être intéressant de voir effectivement comment il a la perception qu'on avait pu à l'époque. Ouais, c'est ça. Et voilà. Mais hâte de redécouvrir Chris Prowls. Eh oui. Peut-être ça a mal vieilli certains trucs, on sait pas. Peut-être ça a mal vieilli, on sait pas. Voilà, ouais, tout à fait. Ok, super. Impeccable. On va redécouvrir Fat Baz. Ouais, Fat Baz. Et puis avec la suite qui va sortir, je crois, l'an prochain. J'ignorais totalement qu'il travaillait sur. Il travaille sur la suite qui s'appellera Bazooka. D'accord. Comme le premier s'appelait Fatal. Voilà. Oui, logique. est-ce que j'irai le voir au cinéma Day One? Peut-être. Histoire de. Pourquoi pas. Voilà. Ouais. À voir. A-t-on quelques actus à donner à nos auditeurs? Oui. De ton côté, je pense qu'il y a du Baby Graver. Oui, alors cet épisode sort le 15 juillet. Juillet. C'est ça, le lendemain de la fête nationale. Oui, tout à fait. Début juillet, vous avez eu droit à un épisode des Baby Graver sur la merditude des choses. Et dans 15 jours, vous aurez droit à un épisode des Baby Graver un petit peu spécial, puisque un d'entre nous était absent. Donc on a décalé le film qu'on devait voir ensemble. On s'est maté un coréen, The Outlaws. Et comme personne ne l'avait vu, on s'est permis aussi de le chroniquer pour en parler. Et donc une émission un petit peu plus courte, un petit peu plus tatane, mais on a pris du plaisir aussi. Et donc ça sortira début août. Ok. Et puis début août aussi, épisode de date de sortie qui se consacrera à... Qu'on a enregistré il y a deux jours avant. Retour vers le futur, qui sera consacré à l'année 2003. Le mois de juillet, où nous avons... où nous parlerons, puisque... Ça sort dans 15 jours où nous parlerons de Bad Boys 2, de Johnny English, de la maison des mille morts et de Dark Blue. Eh bien, super. On se donne rendez-vous le mois prochain. On se donne rendez-vous le mois prochain pour Fatal. Et puis, pour ceux qui partent en vacances, on leur souhaite de bonnes vacances. Oui, sauf si vous partez à l'île de Ré. Évidemment, ce sera plus compliqué. Salut Flo, allez, à la prochaine. Salut Tom, salut à tous. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Ça drôle.